Cette merde auditive se revendique 100% blanche. Ces putains de lacostiennes mettent tout ton app sans soirée. Baby, je fais penser à toi, toi. Ma bête, mon ville est sympa. Step on my head, c'est que j'en ai sur mon bras. J'ai quitté la school, je fais que traîner dans les squats. Par les pouvoirs qui me sont confédérés, Laylo et Luvresbol sont officiellement de race blanche. Chalice, je boucle la zaz, la liasse est grosse comme Hamza. Pour le drink, vivier sur le net, je me trouve sur le dark web. Tout est digital, rien à travers les stars. Et ça va pas le vitesse, je suis ton plus grand fan. Et pourtant, je suis d'extrême droite.